ثم قال مجاهرة بعض بالمعاصي وارتكاب الآثام ما حكمها le fait de faire des péchés apparents aux yeux de tous et de faire des péchés librement quel en est le jugement يقول لا يجوز ارتكاب المعاصي لا سرا ولا جهرا il n'est pas permis de faire des péchés ni en cachette ni en apparent aux yeux de tous قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن dit que juste mon Seigneur interdit les turpitudes qu'elles soient apparentes ou bien cachées والمجاهرة بالمعاصي فيها زيارة اسم على المعاصي الخفية لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافي إلا المجاهرين أو إلا المجاهرين donc le fait maintenant de faire des péchés maintenant vous le tous en apparent ce n'est pire encore car le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit que ma communauté elle est préservée à part ceux qui font les choses devant tout le monde même ceux qui font les péchés devant tout le monde il n'y a pas de riba sur lui Si les gens le critiquent pour ce qu'il fait, c'est pas du riba. C'est lui, c'est allé devant tout le monde. قال لي ان البو المجاهره تدل على عدم المبالاه. Celui qui fait ça ouvertement, c'est qu'il n'a rien à faire. Il a pas de pudeur. وتسبب الاقتداء بالمعاصي. Et cela montre que les gens vont faire comme lui après. Il montre aux gens ce qu'il fait, et ça peut attirer des gens à faire comme lui. Donc lui, il est pire. Des fois, des gens, ils ont des trucs qu'ils pensent même pas aller faire. Quand il l'a fait, hop, tu les as inspirés. Ils pensaient pas à faire une chose. Ils ont vu un tel l'affaire. Ils veulent faire comme lui. Regardez, on a combien de gens qui passent à la télévision? Les musulmans, sportifs, artistes, acteurs, qui veulent des nouvelles modes, des nouvelles choses. Et à cause de cela, ils influencent les autres. Des paroles qu'ils prononcent, les gens les apprennent par cœur et les fredonnent après. Ils les répètent. Des vêtements qu'ils portent, ils portent comme eux. Des coupes de cheveux bizarres, ils font comme eux. Et des choses qu'ils font, ils font comme eux. Donc ces gens-là, je parle d'un musulman, ces gens-là, eux, ils rentrent dans ce hukm-là. Et parler sur eux, c'est pas du riba. Tu parles sur le foot sportif untel, c'est pas du riba. Tu parles sur le rappeur untel, c'est pas du riba. Tu parles sur l'actrice Afulena, c'est pas du riba. Car c'est eux qui font ça devant tout le monde. Et si en plus, après cela, certaines choses, on s'est péché, ils disent que c'est halal. Par exemple, je sais pas, moi, se droguer ou ce genre de choses, ou faire zina ou quoi, mais crois pour cela. Parce qu'ils vont dire, ils parlent de femmes. On est sûr que c'est haram. Mais, le hawa, le shahawa, c'est trop forte. Il se tient pas, tu vois. Mais si tu demandes en vrai, je sais que c'est haram. Mais celui qui dit, c'est halal de faire zina, c'est halal de boire de l'alcool, c'est halal de se droguer. Tu vois, dans les choses qui sont claires en religion. Lui, par cela, il va me croire. Donc faire attention, donc les gens qui font les péchés aux yeux de tous, d'accord, ils sont pires ceux qui se cachent. Et celui qui se cache, tu n'as pas à le dévoiler. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man satara musliman fi hadi dunya, satara Allah yawm al-qiyamah. Celui qui cache un croyant en ce bas monde, Allah le cachera yawm al-qiyamah. Là on parle de celui qui se cache. Les choses il est fait, pas que ce soit vu, que ce soit su. Toi tu le sais, conseille-le. Et tant que ce mal également qui fait cacher, ne nuit pas à d'autres également. Par exemple, ils volent les affaires des gens. Ils se cachent. Bien sûr, le voleur, il se cache quand il vole. C'est marouf. Tu vois? Il vole les affaires des gens, toi, tu sais qu'il vole les affaires des gens. Par exemple. Lui, tu fais financier, tu lui dis, va rendre ça aux gens. Et il veut pas. Mais il continue à voler discrètement. Lui, au bout d'un moment, il faudra que tu le dénonces. C'est-à-dire, lui, un tel, c'est un voleur. Il rentre chez toi, il va voler tes affaires. Attention à lui. Pourquoi? Il a son mal maintenant, touche les autres. Touche les autres. Ah maintenant, tant que son mal ne touche que lui-même, lui, tu le caches. Et tu fais une nasiha. Oh, calme. Naqifu al-yawm, hadhihi as'ala. Wa la ghad sanaqul fi al-bara'a min ashab al-ma'asi. Inch'Allah ta'ala. Fa ila huna wa hamdulillah.